Vanilla. Canella, cardamomo, aneto, cumino, shinchanghao, cannella. Matsiru, noix de muscade, safran, piment, cannelle, clou de girofle, anis, noix de muscade. Madagascar. Curcuma. Malao, Matsiru, Anis. Muscat, vanilla, zero four.